Un génie n'est pas l'accident, au final c'est devenu un monstre. J'ai créé un assassin et c'est beaucoup trop machin. Oh oui, monsieur Kennedy, j'ai volé le maïs du voisin. Appelle les flics tous les matins. La tête au bouffi coupée comme la machin. Éclate sa gueule sur un parpaing. Sa fille était beaucoup trop malsaine. Voulait la quéquette du galsen. Marcel, tous les soirs. J'ai les vidéos, vous voulez voir. Une histoire de fric entre vous et moi. Je détiens la vérité, donc j'ai tous les droits. Un coup d'effroi, ils l'ont bien mérité, tous ces boulets noirs. Oh oui, monsieur Kennedy, un point d'interrogation sur toutes mes relations. Un système de rotation, fais pas carré la location. Oh, donjon puissance éclate, tout le monde comme un Memphis. Je passerai pas sur M6, on peut même pas dégoûter. Je suis même pas sur Texas. Pull up dans la pièce, je suis en Lacoste. Michael Kors sur la sacoche. Fuck up à poche. Toi t'es mimi, t'as pas de moche. Lionzon et foule, remballe tes démarches. Arrive à point sans sauter les marches. Tranquillement là comme si je marche. Son fanny de la première manche. Dès 9 départ je les démarre. On met pas le temps de prendre des marques. A la finition gros je suis démarqué. Sans plus je cache je peux pas réparer. Face à nous la passe de Wally. T'es pas dans la zig de tes paris. T'es pas au calme dès que faut pas rire. Fume la kick ni farine. Fais pas le gros tabac humide. La rue m'a rendu avare et cupide. Ah bah la haine, ça bat la famille. J'bougerai pour toi si c'est la famille. On est beaucoup à gars, on t'a pas dit. Nous on sait eux ce que les phalas disent. On en a rendu même fanatique. Même fanatique. Les petits obtiennent trop de savoir non plus. Je vais pas clément des mecs, je m'en balèque. Je parlais de talent, toi Léon, ils se barrent à marée. Oh, ils auront jamais honte. Je suis dans la place, on veut la part, yeah. Lyonzon apprécie la diction. Fiction, non c'est la vérité. Ici on parle cash, toi t'es tout bidon. Fais un bisou à ton grand et passe. On te fait un grand tour du manège. Aïe, ah, yeah, c'est la facilité dans l'équipe. T'as perdu ton stop, viens on t'allège. Balèze. Boulette, Novella saute sur des boulettes. Ça chauffe la soupe, il fait un poulet. J'suis à juste lève et sous boulem. La pute est en coulem. On fait la bise à nos mères. Après la tienne, on la nique. Bravo le pinomètre titanique. Crée un empire à nous seuls. Tire à nos ex. Oh. Il faut une relie sur l'avant-bras. Notre talent ne se vend pas. Mon équipe et la tienne ne se valent pas. Contre c'est un exercice, même pas un combat. Dans l'œil, j'ai le combat, le but. Que t'es chandal, tu n'es des putes. Ôte-moi ce regard haut. T'es une mère, pourtant on se ressemble autant. Gadem Lyonzon, plus authentique dans la ville, tu ne trouveras pas. Gadem Lyonzon, le soir dans la ville, c'est sûr, tu ne trouveras pas. Je sais que c'est des pins, je sais qu'ils font jabat. Dans sa bébé comme ça, plus jamais je serai shout-out. Mérite de manger un cloque-out. Mérite de taffer sous menace de cravage. Mérite des claques sur leur cantine. Et mon équipe est coquine, juste attentive. Dis-moi où foutre la merde, j'y vais. Ils font un pour la fame. Ils prennent en photo avec Gucci, ça qu'elle. L'ADN de notre équipe au grand jamais prélevé. Hey, quand vous faites du sale coma, s'il vous plaît, prévenez.